Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'université de Vincennes, de l'expérience jusqu'au mythe. Et pourtant rien, non, aujourd'hui il ne reste rien. Pas un bâtiment, pas une ruine, même pas une plaque commémorative, juste une clairière, un trou de verdure au milieu du bois de Vincennes, le vide, comme s'il avait fallu oublier cet endroit où se trouvait 12 ans durant, de 1968 à 1980, une université d'un genre nouveau, le Centre Universitaire Expérimental de Vincennes. Surtout, effaçons les traces de la liberté, du libre arbitre, ces concepts tellement dangereux. Vincennes, une exception, un lieu où se sont inventés, éprouvés, affrontés de nouvelles connaissances autour d'un objectif aussi simple qu'ambitieux, apprendre et enseigner autrement. Vincennes, tout de son époque, est une aventure politique et éducative. De sa naissance à sa destruction, de ses réussites à ses échecs et de ses luttes à ses défaites, revenons sur cette histoire que Virginie Linhart a racontée dans son documentaire intitulé « Vincennes, l'université perdue », produit par Agathe Film. Elle est notre invitée aujourd'hui. Vous entendrez également le reportage d'Anaëlle Verzo qui s'est rendue à la fac de Saint-Denis, héritière de la fac de Vincennes. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Simon Maisonneuve, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacques-Bovies. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Été 1968, Paris. Alors que les braises du printemps incandescent rougeoient encore, que résonne l'écho des cris de ce nouveau peuple qu'on appelle les jeunes qui ont pris la parole et les pavés, du côté du pouvoir comme du côté des étudiants et des professeurs, on s'active. Dans les coulisses du gouvernement, si l'on a réglé dès la fin mai par les accords de Grenelle la question sociale, on doit désormais s'attaquer à l'étincelle universitaire. Signe de l'importance de la tâche, on fait appel à une figure d'un autre temps, tout droit sorti de la 4e République. L'ancien président du Conseil, Edgar Faure, nommé le 28 juillet 1968 ministre de l'Éducation nationale. C'est donc à lui que revient la périlleuse mission d'amorcer la réforme d'une institution à bout de souffle, sclérosée et surtout motrice de l'élan révolutionnaire du printemps dernier. D'emblée, Edgar Faure commence par compter. Il se trouve que le nombre d'étudiants a quadruplé de 1945 à 1967. Sans être l'unique cause de l'explosion estudiantine, cette donnée arithmétique contient une partie de la réponse. Pour Edgar Faure, avant toute chose, il faut construire de nouveaux établissements d'enseignement supérieur. Bien, le général de Gaulle acquiesce, mais il pose une condition. Il faut, dans le même temps, réformer les universités, briser le système des mandarins dénoncé par les étudiants, changer l'organisation type Sorbonne, sa hiérarchie, ses cours magistraux, ses axes d'enseignement. L'université de demain ne doit pas être une usine à reproduire indéfiniment ce féodalisme du savoir. Edgar Faure ne dit pas autre chose à son retour du Palais Bourbon devant les députés lorsqu'il présente son projet de réforme de l'enseignement supérieur. Il faut toujours chercher à comprendre. Quand nous rencontrons certains jugements hâtifs sur les événements de mai-juin, nous nous disons d'abord les comprendre. Comment devons-nous retenir la leçon de ces événements aujourd'hui? Nous mettrons, si vous voulez bien, au centre la crise de la jeunesse. Nous mettrons en arrière-plan ce qu'on appelait crise de la société, en quelque sorte en amont de la crise de la jeunesse. Et en aval, nous mettrons la crise spéciale de la jeunesse dans l'université, c'est-à-dire la crise universitaire. En cet été 1968, il faut aller vite, très vite. En même temps qu'il lance sa réforme, Edgar Faure donne son feu vert à la construction de nouveaux établissements. Il se tourne vers les hommes en place. Le premier d'entre eux est le doyen de la Sorbonne, Raymond Lasvernias. Il fait partie de ceux qui, de l'intérieur, ont vu la colère monter, l'explosion arriver. Et quand Edgar Ford lui annonce qu'il lui accorde une antenne préfabriquée supplémentaire, l'homme se tourne cette fois vers une jeune femme. Regard noir, visage serré, allure élancée, Hélène Sixous a 31 ans en cet été 1968. Brillante professeure d'anglais, elle bouillonne elle aussi depuis quelques années. Déjà en 1965, elle avait quitté du jour au lendemain son poste à l'université de Bordeaux pour dénoncer le carcan hiérarchique. Dans la foulée, elle s'est envolée aux États-Unis. De la Californie à New York, elle a fait le constat amer de l'écart entre le nouveau et le vieux monde. Alors, quand Raymond Lasvernias lui demande ce qu'il pourrait faire de l'offre d'Edgar Ford, elle répond immédiatement, comme un réflexe qu'impose ce souffle de mai qui ne doit pas s'éteindre. Alors, pourquoi pas une université expérimentale ? Trois jours plus tard, Hélène Sixous s'est nommée responsable de cette nouvelle université consacrée aux sciences humaines. Un triumvirat se forme. À ses côtés, Pierre Demergue, professeur spécialiste des études américaines, et Bernard Cassin, lui aussi professeur d'anglais. Un terrain est trouvé dans le bois de Vincennes, à quelques kilomètres à l'est de Paris. Le chantier est confié à l'architecte Paul Chalin. Et le 21 août 1968, les travaux commencent. Qu'est-ce que vous allez construire ici ? Eh bien, nous avons été contactés il y a à peu près un mois par le ministère de l'Éducation nationale pour réaliser d'abord 5000 places de faculté dans les environs de Paris. À Vincennes, nous réalisons une faculté des lettres pour environ 8000 étudiants qui a commencé il y a une huitaine de jours. Le chantier vient à peine de démarrer et nous pensons la livrer dans les tout premiers jours de novembre. Après les pierres, les hommes. Et là aussi, tout va très vite. Charge à Hélène Sixous de constituer le fameux noyau cooptant, c'est-à-dire les 40 premiers professeurs. Hélène Sixous s'adresse à son ami Jacques Derrida, qui, avec Georges Canguilhem et Roland Barthes, deviennent conseillers officieux. Grâce au contact de ses célèbres professeurs, la suite coule de source. Hélène Sixous écrit, rencontre, téléphone aux professeurs pour leur proposer de participer à l'aventure. Le premier d'entre eux, c'est Michel Foucault. Le philosophe a alors 42 ans. Son histoire de la folie à l'âge classique a assis sa réputation et il rentre tout juste de Tunisie où il enseignait et d'où il a observé Paris se soulever. Hélène Sixous lui raconte son projet. Foucault est emballé par ce qu'il surnomme la forêt pensante. Et puis, comme une pelote qu'on tire, les uns appellent les autres, la liste s'allonge et les noms brillent. Foucault emmène dans ses valises François Châtelet, Alain Badiou. Viennent ensuite Jean-Claude Passeron et Robert Castel à la sociologie. Sétan Todorov pour la sémiologie, Jean-Pierre Richard côté littérature, Jacques Julliard et Jean Bouvier pour l'histoire. Ensemble, ce premier noyau nomme ses équipes. Les critères de recrutement sont multiples. Le premier, c'est la qualité des travaux. Second critère, les travaux en question doivent témoigner de leur temps. C'est ainsi que Vincennes ouvre ses portes à des personnes dont le travail n'est pas reconnu à leur juste valeur dans l'université traditionnelle. Dernier critère, un positionnement politique plutôt à gauche. Face à ce casting adossé à la réforme des universités censée donner plus de pouvoir aux étudiants et aux professeurs, à l'Assemblée nationale, on s'inquiète. Alors, Edgar Ford rassure. Si le projet de loi d'orientation de l'enseignement supérieur était adopté dans sa rédaction officielle, d'ici 2 ans, toutes les universités françaises seraient devenues communistes. En effet, avec la parité dans les conseils d'administration, c'est-à-dire les anciens conseils de faculté, il suffirait de la voix d'un seul assistant pour faire pencher la balance du côté des étudiants. En réalité même, étudiants et assistants réunis disposent de 75% des voix. Le pouvoir étudiant serait donc installé. Puis-je me permettre... Je vous en prie, monsieur le président. Votre raisonnement est d'une arithmétique en effet remarquable. Il suppose que tous les étudiants sont communistes, plus un assistant. Eh bien, je vais vous dire une chose, monsieur Festval. Si tous les étudiants français sont communistes, nous allons tout droit au régime communiste. Il n'y aura aucun moyen de l'éviter. Un Enfin, quand même, derrière le bon mot d'Edgar Faure, on s'interroge. Le gouvernement serait-il devenu fou de laisser ainsi se former cette université expérimentale et de se regrouper autour de figures contestataires ? C'est mal connaître l'intelligence politique du général. Car derrière cette idée, il y a ce constat lucide. Face au foyer encore chaud du printemps dernier, le meilleur moyen d'éviter de le relancer ou de l'étendre, c'est de créer cette université. Vincennes devient à la fois le meilleur moyen de vider le quartier latin de ses éléments les plus perturbateurs, de les repousser en dehors de Paris et, dans le même temps, d'enfermer en vase clos les différents courants gauchistes nés du mouvement de mai 68. Et d'ailleurs, ce n'est pas hasard si avant même l'ouverture de l'université, les voix de certains étudiants se lèvent pour dénoncer l'emprise du pouvoir sur le projet Vincennes. Dans la sphère estudiantine, le débat est nourri. On ne peut pas, sous prétexte qu'on n'a pas réussi à renverser la société bourgeoise, refuser tout ce qu'on a obtenu finalement, parce que nous avons conquis Vincennes. C'est donc bien que sans le mouvement de mai, on n'aurait jamais eu, ou en tout cas pas en 68-69, des choses comme Vincennes. Et c'est en cela que je considère que cette expérience est positive et même passionnante, parce que c'est quelque chose qui nous manquait. Ça faisait partie d'ailleurs de nos revendications côté méthode pédagogique ou cadre de l'enseignement. Je me suis préinscrit à Vincennes, mais je ratifierai cette inscription que si j'ai des renseignements précis sur ce que va être Vincennes, et on n'a encore aucune précision, tout est confus, c'est une fumée, on a l'impression que c'est de la frime pour les journaux. Le pouvoir s'est aperçu en mai qu'un amphi c'était quelque chose de dangereux. Qu'il pouvait y avoir une prise de parole dans les amphis et qu'on pouvait se servir, qu'on pouvait utiliser un amphi. Alors on a créé Vincennes, et Vincennes, ça va être vraiment la formation de séminaires, de groupes, de 20, de 30. 20, 30 personnes, c'est beaucoup plus difficile à utiliser que d'utiliser 1000 personnes. Janvier 1969, 8h, le centre universitaire expérimental de Vincennes ouvre ses portes. En 6 mois, pouvoir et corps enseignants ont créé une fac pouvant accueillir 7000 élèves. Ce qui frappe d'emblée, c'est la modernité du lieu, vaste, agréable, au milieu des bois avec un bassin central. Le mobilier a été créé par un célèbre designer de l'époque. Fini les grands amphithéâtres, on trouve essentiellement des petites salles pouvant accueillir des groupes réduits d'une trentaine de personnes, symbole de la fin de l'enseignement magistral. Vincennes est doté de toutes les techniques de pointe. Téléviseurs dans chaque classe, système sur l'ensemble du campus, équipement audiovisuel. Pierre Demergue, l'un des trois membres fondateurs du projet, présente les grandes caractéristiques de ce centre expérimental de Vincennes. C'est en 3 mois que la faculté a été construite, ce qui est un record sur le plan de l'organisation, un record sur le plan de la construction, et également un record sur le plan de l'organisation pédagogique. Ce qu'il y a de nouveau avant tout, vous l'avez dit, c'est le décloisonnement des différentes disciplines. C'est-à-dire qu'un étudiant qui se spécialise en histoire aura également la possibilité de faire des langues, bien sûr, ou de s'intéresser à la sociologie. Il y a un refus de rester enfermé dans les sections traditionnelles. Expérimental, Vincennes se veut l'anti-Sorbonne. Là, au milieu des bois, doivent s'éprouver de nouvelles manières d'accueillir, d'apprendre, d'enseigner. À toutes les questions, Vincennes apporte une nouvelle réponse. Alors, ces questions. D'abord, qui ? Qui peut venir étudier ? Tout le monde, répondent les concepteurs. Ceux qui ont le bac, ceux qui ne l'ont pas, ceux qui étudient, ceux qui travaillent, les Français, les étrangers, les jeunes, les parents. D'ailleurs, on se rend compte, un peu tard, qu'on a oublié la crèche. Alors, ni une ni deux, l'architecte Paul Chalin la dessine et la fait construire. Quand, maintenant ? Autrement dit, quand peut-on venir étudier ? Eh bien, tout le temps, de 8h à 23h, du lundi au samedi. Comment ? Comment apprend-on ? Comment enseigne-t-on ? Par unité de valeur, d'abord. C'est à Vincennes que s'instituent dès la première année ces fameuses UV, promises à un long avenir. Pour les examens, ce sera en partie au contrat continu. L'oral, la participation, les exposés sont à la source du cours. Ailleurs, à Vincennes, on se tutoie. Enfin, quoi ? Qu'est-ce qu'on enseigne et qu'est-ce qu'on apprend à Vincennes? Du nouveau d'abord. Là, le premier département de psychanalyse créé en France. Ici, la sémiologie. Plus loin, l'informatique, le cinéma, la géopolitique. Pour les matières traditionnelles, comme la philosophie, l'histoire ou la littérature, marxisme et structuralisme guident les principaux thèmes traités. Petit aperçu pour le département de philosophie avec l'intitulé des cours pour l'année 69. Formation du concept d'idéologie par Jacques Rancière, révolution culturelle au pluriel par Judith Miller, nihilisme et contestation par Jeannette Colombel, la dialectique marxiste par Alain Badiou. Derrière les murs et les enseignements reste le public. Et l'évidence, là aussi, s'impose. Vincennes est bien le lieu où mai 68 se vit après mai 68. C'est ici que la lutte se poursuit. Dès les premiers jours, les élèves s'approprient cette université nouvelle, souhaitent y participer, influer sur son organisation, son fonctionnement. Alors que les murs tout neufs se remplissent déjà de graffitis et d'appels à lire la cause du peuple, l'amphithéâtre accueille ses premières assemblées générales. Et 3 semaines seulement après l'ouverture de l'université, comme tout établissement de ce genre qui se respecte, elle connaît sa première occupation. Allez ici quelques-uns, allez, les gens. Allez, vive la cause du peuple! Vive la cause du peuple! Vers 23h, heure de fermeture du centre universitaire expérimental de Vincennes, des étudiants, environ 300, ont commencé à occuper le bâtiment C. Les étudiants avaient bouché toutes les entrées du bâtiment et une grande partie de ces étudiants étaient réfugiés sur les toits. À l'intérieur du bâtiment occupé, les étudiants s'étaient barricadés fortement en utilisant des meubles et du matériel de la faculté. À un moment donné, le feu a été mis à des rideaux de la faculté et les pompiers ont dû intervenir. Sont également arrivés sur les lieux vers 1h du matin 4 compagnies de CRS et 2 pelotons de garde mobile. Après plusieurs sommations, une partie des étudiants accepta d'évacuer le bâtiment. Resta donc dans la faculté un groupe de 150 étudiants. Comme prévu par le pouvoir, c'est à Vincennes que se retrouvent tous les courants de la gauche, communistes, trotskistes, maoïstes, situationnistes. Il faut peu de temps pour que se mettent en place des comités d'action. Et très rapidement, des affrontements ont lieu entre les différents courants. Au bout de quelques mois, c'est autour de la question des élections du comité directeur de l'université que se cristallisent les mécontentements. Les maoïstes refusent le suffrage, les communistes y tiennent. Et le jour du vote, un témoin raconte. Le vote a commencé vers 10h et les étudiants, les gauchistes, sont venus bâtiment par bâtiment, s'emparer des urnes et pour les jeter dans le bassin par la suite. D'où venaient-ils ces gauchistes ? Certains, évidemment, sont de Vincennes, mais d'après ce que j'ai appris hier et des camarades qui étaient à Nanterre, on a fait appel à certains gauchistes de Nanterre et d'autres facultés de la région parisienne. Ce matin, pendant les élections, certains camarades, un a eu l'arcade sourcilière de frapper avec des barres et autres. Alors il est impossible, strictement dans l'état actuel des choses, d'organiser l'élection. Nous sommes opposés à toute violence, mais ces messieurs emploient la violence, que voulez-vous ? Pour autant, bon an mal an, les objectifs du centre expérimental sont remplis. Les cours sont de qualité, les étudiants assidus et nombreux, l'aventure commence. Mais tout le monde n'y trouve pas son compte. Du côté des professeurs, l'exemple le plus célèbre reste celui de Jacques Lacan, invité le 3 décembre 1969 pour clore en beauté la première année à Vincennes. Dans l'amphithéâtre, près de 800 personnes se sont déplacées pour assister à la venue du célèbre psychanalyste. Houleuse, l'ambiance se dégrade rapidement. Lacan est chahuté par les interventions intempestives de certains étudiants. Alors, après 1 heure de conférence, il déclare « Ce à quoi vous aspirez comme révolutionnaire, c'est à un maître, et bien vous l'aurez. Ce régime, les premiers à y collaborer, c'est vous. Et ici même, à Vincennes, c'est vous, car vous jouez la fonction des ilotes de ce régime. Le régime vous montre, il dit « Regardez-les jouir ». Bien, voilà, bye, c'est terminé. Un peu pète sec, mais prophétique. » Maybe. soyez gentil. La salle était ouverte ou pas? Elle était ouverte. On a demandé de l'ouvrir à un type du ménage qui refusait de l'ouvrir parce qu'il a dit que le cours commençait à 9h. C'est ça. Et visiblement, il a des consignes de ne pas l'ouvrir. Et comment vous l'avez persuadé? Vincennes, à la lisière de Paris, à la fin de l'année 1970. Au détour d'un couloir, une porte entrouverte. On entend les bruissements d'une voix chaude, calme, réfléchie, amicale. Alors on s'approche, intrigué. On écoute, attentif. Et la sensation est immédiate et double. Dans le même mouvement, la clarté du propos et le sentiment pour tous de comprendre. Enfin, tout s'éclaire, comme au fond de la caverne de Platon. Sur le mur, un écriteau retranscrit simplement cette sensation. Deleuze, je t'aime. Je vois bien ce qui fait la cassure là, des générations. Les types de ma génération, encore, ils ont fonctionné de tout temps sur un certain culte de la mémoire, la mémorisation. Inutile de dire que la psychanalyse, c'est aussi une culture de la mémoire. Le marxisme, d'une certaine manière, c'est une culture de la mémoire. Ça mémorise dans le marxisme. Dans les partis communistes, ça mémorise. Moi, ce qui me frappe dans la contre-culture ou dans le gauchisme, c'est qu'il retrouve quelque chose qui a été étouffé au 19e, à savoir une espèce de culture, au contraire, de l'oubli. C'est du fond de mon oubli que j'ai quelque chose à dire. Avant que tu partes, je reviens te dire un truc, parce que en attendant cette société future, enfin, où nous serons tous des Marx et au fond de nous-mêmes assassinés, je ne sais quel Mozart, j'aimerais bien... J'ai jamais dit ça. Ben, ça prouve au moins que je t'ai jamais écouté. Deleuze, pouvait-on faire plus chic? En même temps, il fallait bien remplacer Michel Foucault, un autre géant, parti lui, dès la fin de la première année pour le Collège de France. Gilles Deleuze, et avec lui de nombreux professeurs, diffusent les premiers bruits de cette rumeur qui court depuis un peu plus d'un an à travers la France, et même au-delà. Il existe un lieu, à quelques encablures de Paris, où il se passe quelque chose d'unique. Cette réputation s'écrit à mesure qu'une autre innovation de Vincennes s'instaure. Des intellectuels ou professeurs étrangers reconnus viennent y donner des cours dans le cadre d'invitations, genre des guest stars de l'enseignement supérieur. Bientôt, Octavio Paz, Noam Chomsky, Herbert Marcuse viendront s'asseoir sur les bancs de Vincennes. Un lieu qui, soit dit au passage, a bien changé. Les murs se sont recouverts de fresques, le bassin est désormais plus souvent vide que plein, et puis elle se souque là, établie au milieu du hall central, où l'on retrouve de quoi manger, s'habiller, lire ou aussi fumer, et qui transforme l'ensemble en joyeux foutoir. Là, à côté, des jeunes filles et garçons dénudés suivent des cours de living théâtre ou de musique en plein air. Et puis Vincennes s'exporte. Élèves et professeurs décident parfois d'aller faire classe à l'extérieur, à la Gare du Nord ou dans les bidonvilles d'à côté. Alors les passants s'arrêtent pour écouter. Et puis surtout, tout ce monde qui afflue, année après année, le nombre d'étudiants ne cesse d'augmenter, notamment chez les étrangers et les salariés. À la sortie de l'université, les témoignages des travailleurs étudiants se relaient pour décrire la singularité de ce centre expérimental devenu Université Paris 8 en 1971. Je travaille dans le bâtiment. Et comme étude ? Et comme étude, des études d'urbanisme. Alors à l'heure actuelle, je suis en maîtrise et j'ai terminé ma licence. Je suis employé administratif dans une entreprise d'informatique. Et le soir, vous venez au cours? Tous les soirs. Mais alors, comment faites-vous? Je me débrouille. C'est très dur, mais enfin bon, il faut le faire. Pour autant, derrière ces témoignages, l'université de Vincennes continue de poser problème aux autorités. Il faut dire que certaines déclarations de professeurs laissent le nouveau ministre de l'Éducation, Olivier Guichard, circonspect. Alain Badiou, par exemple, qui écrit dans un document relatif aux conditions d'obtention de l'examen final, valideront leur semestre ceux qui ne sont jamais venus, mais qui ont ainsi montré par leur absence leur détachement louable des choses de ce monde et une méditation profonde. C'en est trop pour le pouvoir qui réagit, la permissivité, c'est pas son truc. En février 70, Olivier Guichard refuse donc d'accorder le titre de licencié aux étudiants de philosophie de l'université de Vincennes. Pensez donc, dans les allées du pouvoir, on suspecte l'orientation idéologique des professeurs. Comment témoigne cette interview de Madeleine Reberioux, professeur d'histoire ? Vous êtes en histoire, comme dans la plupart des autres départements, des gens de gauche ou d'extrême gauche, comme on dit. L'approche de gauche, l'approche marxiste des problèmes historiques et des autres, est une approche parfaitement légitime et valable, mais ne croyez-vous pas que vous prenez une responsabilité assez lourde en offrant à des gens qui arrivent ici vers leur 18e année et qui en sortent vers leur 23e ou leur 25e, donc à l'âge où on reçoit une formation qui marque pour toute une existence, une approche unilatérale des problèmes? Alors premièrement, nous avons beaucoup d'étudiants qui rentrent ici à 30, 40 ou 50 ans, et pas seulement des étudiants qui rentrent à 18 ans. Deuxièmement, l'idée d'une approche marxiste est une idée qui est à la fois solide et non solide, en ce sens qu'il y a à l'heure actuelle bien des modes d'approche du marxisme, Différents par leur objet. Ça devrait quand même être bien le droit des étudiants d'entendre une question abordée, non pas seulement par le marxisme C, A, le marxisme B, le marxisme C, le marxisme D, mais par autre chose que le marxisme. Si ça ne vous ennuie pas, je finirai sur ce point. Je vous en prie. C'est que, très précisément, dans un département comme le mien, et à ma connaissance, dans un certain nombre d'autres départements de la faculté, il n'y a pas que des gens qui se réclament du marxisme. Vincennes est prise en taille, à la fois à la pointe des innovations pédagogiques, riche de la diversité de ses étudiants, de la qualité de ses enseignements, et en même temps sujette à l'affrontement sur place des différentes tendances de la gauche. Elle donne le sentiment de vivre des deux, en fait, que l'un ne pourra pas aller sans l'autre. Le devoir d'invention, seule exigence véritable, est aussi le théâtre d'une certaine violence. On assiste parfois à des séances d'autocritique imposées par les maoïstes à des étudiants ou à des professeurs. Les turbulences se calment un peu avec la fin de la gauche prolétarienne en 1973 et le départ de nombreux maoïstes à l'usine. En même temps, ces turbulences, cette lutte, permettent à Vincennes de survivre, d'obtenir ce qu'elle demande. Car rapidement, l'université est submergée. De 7000 étudiants initialement prévus, on en compte bientôt près de 30 000 à la rentrée 1975. Une situation intenable pour son président, Claude Friot. À chaque pas, en quelque sorte, nous sommes bloqués donc dans l'impossibilité partielle ou totale de fonctionner, ce qui explique cette animation politique et revendicative de l'université qui, chaque année, doit imposer par la lutte l'obtention du minimum pour, non pas fonctionner normalement, mais reprendre et avancer qu'un quart. Claude Friot passe le relais en 1976 à Pierre Merlin, et c'est ce dernier qui se retrouve sur le devant de la scène. À partir de l'été 76, la menace qui plane sur Vincennes s'intensifie. Le président Giscard d'Estaing, élu 2 ans plus tôt, et sa ministre de l'Enseignement supérieur, Alice Saunier-Seyité, veulent faire entrer Vincennes dans le rang. Or, au même moment, l'université rencontre un problème qu'elle ne parvient pas à résoudre. S'est développé en effet sur le campus un trafic de drogue, et notamment de drogue dure. De nombreux journalistes se rendent à Vincennes pour enquêter sur cette affaire. À la tête de l'État, on dénonce l'immobilisme du président de l'université, Pierre Merlin. Et la ministre saisit toutes les occasions à l'Assemblée pour critiquer ce qui lui apparaît comme du laxisme. J'ai mis les universités devant leurs responsabilités. Et partout, ou presque, le travail est redevenu possible. Est-ce pour cela que je suis la femme à abattre ? À abattre et à insulter. J'invite le président de l'université de Vincennes à imiter ses collègues, car, d'après la loi, ce ne sont ni le gouvernement, ni le secrétaire d'État aux universités, ni son représentant régional, le recteur chancelier des universités de Paris, qui disposent du pouvoir à l'université de Vincennes. En réalité, se cache derrière les attaques de la ministre une autre décision, celle du déplacement de Vincennes. Dès 1976, l'idée d'un transfert est amorcée. Dans 2 ans, en 1978, le bail de 10 ans accordé par la mairie de Paris arrive à son terme. Il pourrait être renouvelé, mais Alice Saunier-Seyité trouve en Jacques Chirac, alors maire de la capitale, un allié de circonstance. ce dernier explique qu'il souhaite récupérer les terrains pour un tout autre projet. Derrière ces rumeurs de déplacement, l'enjeu est le suivant. Dans quelles conditions se fera ce transfert? Est-ce que tous les enseignants et tout le personnel seront transférés? Qu'en est-il des innovations de Vincennes? Le pouvoir peut-il garantir que d'autres établissements s'engageront à accueillir des salariés, des étrangers? Et puis, en 1978, dans la presse, eh bien l'information finit par sortir. Un projet de transfert est bien sur les rails en direction de Saint-Denis. Une manière pour le pouvoir giscardien de refiler la patate chaude à une mairie communiste. Alors qu'à Vincennes, le combat piétine à cause de dissensions internes. Finalement, en 1980, en direct, sur le plateau de Patrick Poivre d'Arvor, Pierre Merlin fait une annonce. Pierre Merlin, quand on est, comme le dit Dominique Lory, un homme seul, est-ce qu'on n'a pas envie ce soir de jeter l'éponge? Je ne crois pas que ce soit jeter l'éponge, mais j'ai décidé, tout à l'heure, de donner ma démission. Donc vous nous annoncez ce soir que vous abandonnez vos fonctions à partir de quand? À partir de maintenant, je viens d'en prendre la décision. Est-ce que Vincennes est un navire ingouvernable? Il y a toujours eu un côté suicidaire chez certains Vincennois. Il y a des pêcheurs en eau trouble, ce n'est qu'une minorité. Nous espérons que notre démission, loin d'être un abandon, sera au contraire l'occasion d'un sursaut de Vincennes. Parce que vraiment, Vincennes doit continuer à exister. Il est là, Pierre Merlin, le 28 août 1980. Il se faufile à travers les grillages qui entourent Vincennes, vide de ses élèves, de ses professeurs. Une caméra Super 8 à la main, il veut filmer les seules images d'une destruction sans commune mesure. Les préfabriqués de la faculté avaient été prévus dès l'origine pour être démontables. Ils auraient très bien pu être sauvegardés, conservés ou déplacés. Non, on décide autre chose. Pelleteuses et grues à boules viennent abattre ce jour-là, ce qui fut 10 ans durant un endroit unique. En détruisant un bâtiment, c'est une idée qu'on détruit également, parce qu'on en a peur. Vincennes aura sans doute été le symbole le plus fort d'un après 68 en acte. En prise avec les luttes de son temps contre le Vietnam, pour le tiers-monde, sur la question du statut de la femme aussi. En proie aux affrontements internes de la gauche également. Reste que de l'expérience Vincennes, on conserve aujourd'hui de nombreux acquis, comme autant de traces. Les UV, fameuses unités de valeur, sont toujours là. Les salariés peuvent venir étudier, les étrangers aussi. L'interdisciplinarité reste reine. Chacun des 100 000 étudiants passés par Vincennes en 12 ans en aura gardé forcément quelque chose et une vision du monde. D'ailleurs, Vincennes n'a pas complètement disparu. Aujourd'hui, Paris 8 est toujours là, à Saint-Denis. Elle essaie depuis 30 ans de conserver, d'adapter certains des principes fondateurs. Une manière de poursuivre l'héritage, bien sûr. Une manière de prolonger cette phrase de Gilles Deleuze qui, arrivé à Saint-Denis un jour d'hiver, se voit attribuer une salle minuscule au plafond bas et à l'état quasi insalubre. De retour devant ses élèves, il leur dit « Je suis allé voir la salle, c'est un palais où nous allons connaître le bonheur ». Oh, comme ça cognait, Phébus à bloc, on s'abritait dans la forêt. 1000 sentiers nous parcouraient, 1000 odyssées à notre porte. Les cohortes d'ennui filaient, on le savait, elle reviendrait. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie, aucun engagement d'aucune sorte. Et pour seule devise, peu importe. Oh, ça nous voyait comme anguille, dans les ruisseaux qui serpentaient, mains des garçons, cheveux des filles. Et on se cherchait dans les bois, certains se trouveraient d'autre part, mais sans moquer, qui oserait, même aujourd'hui, qui oserait. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie. Aucun engagement d'aucune sorte. Et pour seule devise, peu importe. Mais depuis, France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'Université de Vincennes, notre invitée Virginie Linhart, bonjour. Bonjour. Réalisatrice du documentaire intitulé Vincennes, l'Université perdue, produit par Agathe Film. Alors d'abord pour vous, cette histoire est une histoire particulière. Vous avez connu Vincennes, mais alors vous étiez enfant, puisque votre père, Robert Linhart, il était professeur, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'il vous en disait d'ailleurs? C'était une époque où on ne parlait pas tellement aux enfants pour raconter sa vie. On ne parlait pas à table. C'était très différent. Pas pour ces raisons-là. C'est pas forcément parce qu'il fallait être poli ou pas couper la parole aux adultes. Mais souvent, les adultes, c'est un peu une autre histoire. Mais les adultes pensaient que ce n'était pas la peine de raconter aux enfants. Mais mon père m'emmenait souvent à Vincennes. C'était le jeudi qu'on n'avait pas cours à l'époque. Oui. Au lieu du mercredi. Et quand mes parents étaient séparés, donc quand j'étais avec lui, il m'emmenait. Et c'était un endroit où les enfants pouvaient venir. Donc c'était le bois. Il y avait ce souk merveilleux où je rêvais de me faire acheter plein de trucs. Mon père était contre parce qu'il était très moral, bien que gauchiste. Donc il n'achetait pas les choses tombées du camion. Et voilà. Et j'en ai gardé, c'est vrai, un souvenir comme ça, une sorte de mythe d'un endroit où c'était un vrai bonheur d'étudier. Et ça m'est resté. Et donc après mon bac, je pensais que l'université c'était ça, c'était plein de jeunes gens très beaux, très séduisants, qui fumaient, qui rigolaient, qui apprenaient des choses. Bon, Vincennes n'existait plus quand je me suis inscrite à la fac depuis quelques temps et c'était pas la même musique. Vous pensiez que l'université était vraiment universelle? Oui, il y avait vraiment, et c'est ça que j'ai eu envie de raconter dans le film, il y avait vraiment une joie d'apprendre et une joie d'enseigner. Et d'apprendre ensemble, oui, dynamique de groupe, voilà, et de penser le groupe. Et c'est ça, il y avait une sorte de bonheur d'être là. Et c'est vrai, vous l'avez raconté très bien, c'était atrocement bordélique, il y avait pas de porte aux toilettes. Donc je me souviens encore, je disais à mon papa, j'allais derrière les arbres et tout, pour qu'il me cache, on pouvait pas aller aux toilettes. C'était très sale, c'était très enfumé, etc. Et c'était vraiment, vraiment... Mais on sentait comme ça quelque chose d'un peu euphorique, on avait l'impression que les gens étaient joyeux d'être là. Et du coup, c'est vrai que j'en ai gardé comme ça l'idée que le savoir pouvait être gai. Le gai savoir, bien sûr. Absolument. Comment expliquer qu'il ne reste rien? Alors on peut être un peu paranoïaque et dire, oh là là, ils ont... comme je l'ai dit d'ailleurs dans le récit, on a enlevé toute trace, comme si on enlevait les traces du bonheur et de la peur, non? C'est ça? Mais oui, vraiment, mais à tel point qu'on a même déraciné les arbres. On a non seulement cassé les éradiqués en 48 heures, en manu militari, avec une vraie opération de CRS, on a bloqué le bois, on a fait venir les camions de déménagement, on a cassé énormément de choses, les pelleteuses ont piétiné, et dans le film il y a ces images incroyables tournées par Pierre Merlin, mais on a même déraciné les arbres pour que les gens ne puissent pas revenir, ne puissent pas retrouver les endroits, etc. Et dans le film, quand j'emmène les gens dans la clairière, c'est vrai que j'ai dû faire une recherche et j'ai commencé un peu le film avec les gens qui cherchent l'endroit, leur bureau, le bassin, où est-ce que c'était. Et moi, j'y crois beaucoup à ça. Je crois que les lieux, ça fait partie de notre mémoire. Et que donc, quand on fait disparaître les lieux, la mémoire disparaît. Et c'est pour ça que j'ai voulu raconter cette histoire. Parce que les moins de 40 ans, ils ne connaissent pas l'histoire de Vincennes. Très bien. Voyez, nous prend le relais. C'est bien. Aussi. Alors, Edgar Faure et le général de Gaulle. Bon, on sent bien que du côté du général de Gaulle, qui est un fin politique, il s'agit de dire, bon, alors, les contestataires, on va leur donner un espace. Ils vont nous foutre la paix, en gros. Je fais un peu rapidement. Vous avez raison. Edgar Faure, lui, c'est autre chose. Je me souviens que quand il est mort le 30 ou le 31 mars 88. Je sais que c'était toute fin mars 88. Ça fait une grosse actu en France. C'était un homme intelligent. Et je trouve que dans ce projet, il investit une vraie modernité pour un bonhomme de la 4e République quand même. Mais moi, je suis complètement d'accord avec cette analyse. C'est-à-dire que c'est toujours comme ça. Les miracles, c'est toujours un très bon alignement des planètes. Oui, c'est bon, ça. Voilà. Et donc là, l'alignement des planètes, c'est évidemment le Quartier Latin, les pavés, ça, le général de Gaulle, il veut plus, quoi. Les voitures toutes cassées au Quartier Latin, c'est mal, c'est plus possible. On lui dit, on va les mettre au bois de Vincennes, lapsus. Il y a des prostituées, il y a des arbres, ils vont être loin, ça va être bien, on va leur faire des préfabriqués. Ça lui plaît. Edgar Faure, c'est vrai qu'il est proche de Raymond Lasvernias, et il a cette idée des campus à l'américaine, immédiatement. Il comprend que de toute façon, avec le baby boom, avec ce que 68 a drainé d'idées nouvelles, de toute façon, les choses ne seront plus pareilles. Donc, il faut inventer un autre mode universitaire. Virginie Linhart, je vous présente Annaëlle Verzeau. Bonjour. Qui est en Bonjour. Face de vous, qui est notre reporter. Bonjour, Annaëlle. Bonjour. Vous êtes allé voir ce qu'il reste de l'esprit de Vincennes à l'université de Vincennes-Saint-Denis. Ça s'appelle comme ça. Donc, dans le 93. Alors, Virginie Linhart, vous disiez tout à l'heure, je suis curieuse d'entendre ce que c'est devenu. Eh ben, vous allez l'entendre grâce à vous, Annaëlle. Ouais, on est loin de la verdure de Vincennes, hein, puisque l'université est en pleine zone urbaine, au terminus de la ligne 13 du métro parisien. Et en arrivant, surprise, je tombe sur des vigiles. Changement d'époque, hein. Drôle d'ambiance, surtout quand on songe à ce qu'était Vincennes, bien sûr, cette université ouverte à tous. À l'entrée de l'université, on a des affiches politiques, AG contre la sélection, une assemblée générale 18h30 pour aider les réfugiés, pour une fac ouverte aux enfants d'ouvriers, lycéens et étudiants, tous en grève contre la sélection. Et aujourd'hui, assemblée générale pour l'accueil des réfugiés. Il y a une fouille à l'entrée. Bonjour. Bonjour, on a besoin des cartes d'étudiants. Pardon ? Vous avez votre carte d'étudiante ? Je ne suis pas étudiante, je suis reporter à Radio France. J'ai ma carte de presse, si vous voulez. On est bloqué à l'entrée pour le moment parce qu'il y a une occupation donc, de la fac par des migrants. On est loin du souk ouvert à tous à l'entrée de l'université, comme c'était le cas à Vincennes. Ça s'appelle la panique. Ils bloquent tout, ils ont peur de l'invasion de Toto parisien qui débarque. De fait, le préfet a pris autorité sur la fac, et ce qui signifie qu'aucune soutenance de thèse, aucune soutenance de rien, aucune personne extérieure, aucune activité culturelle. Donc on est dans un état d'exception. Voilà. Puisque les migrants sont chassés de partout, c'est quand même, si un des lieux où ils peuvent arriver, il faut qu'ils arrivent dans les universités. S'il y a quelque chose qui a l'ordre du jour, c'est que partout les migrants rentrent dans les universités et qu'on essaye de les accueillir. Vous êtes enseignant ici depuis combien de temps ? Oh, disons, ça va faire 30 ou 40 ans. Oui. Est-ce que vous avez connu Vincennes ? Oui, bien sûr, oui, mais comme étudiant, en philosophie. Et par rapport à aujourd'hui, je veux dire, vous, si vous êtes venu enseigner ici à Saint-Denis, j'imagine que c'est parce que vous aviez envie d'une continuité avec Vincennes ou... Ah, je suis venu ici parce que c'est une des rares universités que j'ai supportées. On est la génération 68 avec mon collègue, et c'est vrai qu'on ne s'est pas forcément imaginé une carrière enseignante. Paris 8 a été un bon lieu pour survivre, pour prolonger, je veux dire, empêcher que les choses se referment, quoi. Et là, aujourd'hui, je regarde un petit peu l'intérieur de l'université, de la fac. Je vois qu'il y a une cafétéria. Il n'y a pas de souk. Il n'y a pas de crèche, j'imagine. Non, la crèche, c'est fini. Bon, L'école élémentaire, c'est fini aussi. Oui, oui, non, tout ça n'existe plus. Mais je ne sais pas s'il faut le regretter à ce point-là. La crèche, ça coûtait un argent fou à la fac. Enfin, tout n'était pas raisonnable. Donc, les choses qui ne sont pas raisonnables, il ne faut pas dire qu'il n'aurait pas fallu les faire. Ça a été très bien de les faire. Il y a encore des gens qui sont ici, des enseignants ou des personnes administratives qui ont été des enfants de la crèche et qui maintenant travaillent ici. Hein. Ça existe quand même. Ah bon ? Oui, oui. Et donc on ne va pas dire que ça n'aurait pas dû avoir lieu. Au contraire, ça a été génial. Mais dans le système actuel, on n'a jamais proposé de recommencer la crèche. Quoi. Donc faire vivre Vincennes, c'est un sacré investissement. C'est pas seulement donner des cours. Quoi, hein. Apparemment, vous pouvez rentrer, madame. Ah bon ? Apparemment, je peux rentrer. C'est ouvert. Oui ? Deuxième étage. Alors, Éric Le Serre, je vais vous laisser vous présenter. Je suis enseignant au département de philosophie. et actuel directeur du département, directeur étant un grand mot, mais voilà, responsable du département. Qu'est-ce qui reste de l'esprit de Vincennes dans vos cours ? Il n'y a pas une hiérarchie interne au département. On ne forme pas au CAPES, on ne forme pas à la GREG, précisément pour donner priorité à un parcours singulier de chaque étudiant face à sa recherche. Et après, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Alors là, je pourrais donner le cas d'un étudiant qui a fait sa thèse avec moi sur Simone Veil. Il est aujourd'hui enseignant en Colombie, mais après, pendant 5 ans, après avoir fait une thèse sur Simone Veil, il a été assistant de PDG. On a plein d'étudiants qui s'inventent des métiers, qui travaillent à droite à gauche. Et est-ce que ça reste ici un espace ouvert à tous ? Moi, je suis un pur produit de cette université. J'étais manutentionnaire de force. Mais voilà, quoi. Et je fais cours sur Kierkegaard, sur Bergson, pas uniquement sur les ouvriers. Est-ce que vous pouvez nous dire sur l'avenir de cette université ? Je vais prendre deux cas qui gardent en moi une certaine espérance. En 2009, au moment de la grève des universités, le mouvement est parti en grande partie de chez nous. Au moment de la loi travail, la première université qui a été en grève, c'est la nôtre. On reste un lieu de contestation des certitudes, on reste un lieu de critique. Tant que ça existera, on a une raison d'exister. Le jour où ça n'existera plus, on n'a plus de raison d'exister. Le département de philo a été créé sur une inquiétude de l'émancipation. C'est-à-dire que si vous prenez tous les collègues qui ont fait l'histoire du département, tous ces noms, importants ou moins importants, avaient tous à l'esprit que la philosophie, elle avait à voir avec l'émancipation. Le risque, ça serait qu'on devienne un département qui pense enseigner l'émancipation. Au sens de Rancière, ça serait l'horreur. C'est-à-dire que si on devenait des maîtres en émancipation, ça s'appellerait tout sauf de l'émancipation. Bon, mais c'est pas facile à maintenir. Tout de même, Virginie Linhart, si une idée doit survivre de l'expérience Vincennes, c'est peut-être celle quand même de l'université. Lieu d'émancipation, mais de tous les dogmes, hein, religieux, politiques, sociaux, de tous les déterminismes sociaux également. L'université, ça doit être ça. Est-ce que Vincennes a été ça ? Vincennes a été, oui, a été ça. Je crois surtout un vrai lieu d'émancipation, à mon avis, sociale. Parce que c'est vrai que juste après 68, on est encore dans une société. Vous parliez de l'enseignement hiérarchique, mais on est dans une société très hiérarchique. Moins de la moitié de la population a son bac, et avoir son bac, c'est être un bourgeois. Donc évidemment, pouvoir s'inscrire à la fac, c'est un privilège sans de bourgeois, son sans son bac, maintenant, bien sûr. Et là, c'est là le grand changement. Voilà, c'est grand. Et ça, c'est Vincennes, le premier qui l'a fait. Et c'est vrai que dans le film, je crois que ce qui m'émeut le plus, vraiment, c'est les entretiens que j'ai eus avec les gens qui racontent ça, la chance que ça a été de pouvoir s'inscrire et de pouvoir accéder à un savoir qu'ils pensaient ne jamais pouvoir atteindre. Et je parlais de déterminisme, le déterminisme social combattu, notamment il y a cette que vous racontez dans votre film, cette anecdote du chauffeur-livreur. Ouais. Racontez-nous ça, c'est beau comme tout ça. Écoutez, c'est magnifique cette histoire. C'est un chauffeur-livreur. Son père s'est barré et donc pour entretenir sa famille et aider sa mère, il est chauffeur-livreur et il est manutentionnaire d'un menuisier. Et il a une camionnette. Or, dans le bois, à cette époque, c'est pas facile de se trimballer de la porte de Vincennes jusqu'au bois. Il y a une fille qui fait de l'autostop dans sa camionnette, il s'arrête. Il l'emmène, il la trouve jolie, elle lui dit viens manger au resto U, c'est pas cher. Il déjeune avec elle et il a envie de la revoir et il la suit au cours d'histoire. Il reste, il est devenu professeur agrégé d'histoire. C'est formidable. Quand on regarde les productions de nos grands cerveaux comme Deleuze, Passeron, Castel, Todorov, Jean-Pierre Richard, je note que leurs œuvres importantes ont été écrites et produites pendant les années vincennoises. Alors j'imagine, et je ne veux pas imaginer que ce soit un hasard. Non, mais vous avez raison. C'est Vincennes, c'est ce qui est troublant, c'est aussi ces 10 ans de la plus grande activité intellectuelle. C'est encore aujourd'hui les philosophes qui sont invités dans le monde entier, Badiou, Rancière, Balibar, ont enseigné à Vincennes. Encore aujourd'hui, on parle de cette pensée vincennoise dans le monde entier. Et peut-être que l'endroit où on en parle le moins, c'est en France. C'est pour ça que j'avais envie de faire ce film. La nostalgie, vous avez de... Je suis contre la nostalgie, j'avais alors, pas du tout envie. C'est quoi le sentiment qui vous anime quand vous vous penchez sur l'aventure de Vincennes, si c'est pas la nostalgie? Alors c'est pas du tout la nostalgie, c'est la peur de l'oubli. C'est très différent. C'est-à-dire que moi, j'ai peur des trous de l'histoire. Je trouve que c'est pas bon. Quand on sait pas d'où on vient, quand on sait pas comment on marche. Et aujourd'hui, quand je vois justement les questions de réforme de l'université, j'ai deux filles qui vont bientôt arriver à la fac. Et la façon dont ça se passe, moi, il me semble qu'il y a quand même de vraies questions. Et le modèle vincennois était comme ça une ouverture. Et là, ce qu'elles vivent, elles, alors on verra comment ça marche, c'est plutôt un recul, une restriction, moins de chance. Vincennes, ça, c'était l'ouverture des possibles. Et Saint-Denis, qu'est-ce que c'est ? Héritière officielle de Vincennes, d'ailleurs ça s'appelle Vincennes-Saint-Denis. Héritière officielle de Vincennes, je pense que c'est une fac où il y a beaucoup plus d'activités politiques et militantes comme on a entendu là dans l'émission. Voilà, après le système universitaire aujourd'hui, il est régi par une politique de l'éducation qui n'est clairement plus dans la voie de ce qui a été enseigné à Vincennes. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'il ne reste plus rien de ce qui a été enseigné à Vincennes. Aujourd'hui, il reste des bribes ou plus rien. Et je ne parle pas de Saint-Denis, hein. Les autres facs. De toute façon, je ne suis pas une spécialiste de l'enseignement supérieur. Je suis une documentariste et moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Donc non, évidemment que non. Par exemple, il est possible aujourd'hui de pouvoir se former à la fac, même quand on n'a pas le bac, il y a des filières spéciales, etc. Tout ça, c'est né de Vincennes. La transdisciplinarité, la transversalité. Ah voilà, il reste comme ça. Il reste tout ça. Les UV, vous le disiez. Il y a cette idée d'ouverture, etc. Mais c'est vrai que Vincennes accueillait des étudiants sans papier. Oui. C'est plus le cas aujourd'hui. Merci infiniment Virginie Linhart. Merci de nous avoir apporté toutes vos lumières sur ce sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé puisque vous en avez fait un documentaire. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'Université de Vincennes, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous serons plus prosaïques, hein, nous évoquerons l'histoire de la banque américaine Goldman Sachs.